te rends compte de ce qu'elle est en train de faire? Rien à foutre, j'y vais. Mais vous n'avez pas compris à quoi elle sert, cette machine? Elle vous prend et elle vous réduit à l'état moléculaire, ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous cessez d'exister. C'est que je la fume plus. Pas besoin d'acheter leur tabac qui donne le cancer, et c'est assez un maximum, non? I'm mairie, parce qu'on n'a pas le droit de vagabonder sur la voie publique, centre-ville ou pas centre-ville. Allez, et puis vous allez me ranger tout ce foutoir là. Et les peintures, tout ça qu'on fait tout. Faut pas exagérer non plus. Don't go fucking bananas. I'll give you some.

We'll be right back. you're a professor? Ketamine. Thank you. Going round, there's something going Deactivation complete. Just on the sky. destruction. Baptize the corruption. Total self-destruction. Baptize the corruption. Total self-destruction. Baptize the corruption. Total self-destruction. Baptize the corruption. Yeah. Batman. C'est mon avocat, alors peut-être que j'ai fait un grand nombre aujourd'hui. Quelques collures dans un appartement en plein courrier. We'll be right back.

shit. Dirty clothes, bitch. Dirty clothes, butt, baby. Toe. Dirty clothes, bitch. Fuck a bitch, fuck shit. Dirty clothes, bitch. Dirty clothes, butt, baby. Toe. Dirty clothes, bitch. Bitch, bitch. We'll be right back. music to near, near, near. Cause I don't send my music to no clothes. How much soul is at the power to quiet the rest? Yeah.

ça vient. Et te shooter à l'héroïne et t'aurais encore ta super bite d'acier entre les jambes. Ready? Mais nous avons ce qu'il faut. Putain, mais manger un blanc, y'a plus rien qui me revient. J'imagine que t'es prêt pour l'expérience. Ça, c'est la CIA qui pompe tout le monde, mais LSD. Enfin, toi, tu me comprends, hein. Pas de faire un dessin. And you don't want that.